cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أخذنا في درسنا الأخير le début du cinquième chapitre, الفصل الخامس في المحرمات بالنكاح. Et on avait démontré ensemble l'importance de ce chapitre. حتى الإنسان il sait avec qui il a le droit de se marier. Il sait il est un mahram pour qui. Et est-ce que cette femme il a le droit de rester avec elle seule, il a le droit de voyager avec elle, de lui serrer la main, il a akhiré. Et si c'est pas un mahram pour cette femme, enfin, il n'a pas le droit de faire certaines choses. Et on avait lu ensemble des hadith min Riyad al-Salihin et on avait lu tadalik l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen عليه رحمة الله. أما اليوم فان كومونس القراءة في كلام شيخ ابن عثيمين وهذا الكلام إلى مهم ويحتاج إلى شيء من التركيز لأن الشيخ رحمه الله va citer plusieurs أقسام أي telle femme tu es un mahram pour elle. Enfin, cette femme, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et il y a plusieurs taqsimat. Enfin, ça demande shay min at-tarkiz. Wa an-nasiha, c'est d'écouter et plus tard de résumer. Résumer sous forme de tableau ou de schéma. Hatta, c'est plus clair. Et là, chacun a la première lecture, khasatan, pour les frères qui n'ont jamais étudié cette mas'ala. Au départ, tu ne peux pas tout retenir. Et certains cas, ça peut être ambigu, ça pourra être ambigu pour toi, voilà, ben, l'essentiel, t'essayes de comprendre les cas clairs, somme à certains cas où que c'est moins clair, ça viendra avec le temps, et on va essayer de simplifier au maximum, bi-idhnillahi azza wa jal. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمحرمات من النساء على قسمين قسم محرمات دائما وقسم محرمات إلى أجل. أولا قوله رحمه الله والمحرمات من النساء. المحرمات vous connaissez le محرام أي ces femmes elles sont interdites pour cet homme. Il n'a pas le droit d'épouser cette femme أي qui est citée dans ces deux catégories. إما دائما pour toujours إما إلى أجل une certaine période. أولا قوله المحرمات من النساء أي اللاتي لا يحل نكاحهن على وجه التأبيد أو على وجه المؤقت إلى أجل إلى أمد. المحرمات من النساء c'est ce qu'on vient de dire لا يحل نكاحهن أي l'homme il n'a pas le droit de se marier avec une de ses femmes que Cheikh Ibn Uthaymeen va citer bien sûr en appuyant avec des preuves. إما دائما on peut citer l'exemple, sa mère, sa sœur, sa fille, sa tante. Ben, ces femmes, il n'a pas le droit de se marier avec Abedan. Deuxième qism, il a Ajal. Il y a un sebeb, une cause qui va empêcher cet homme de se marier avec cette femme. Si cette cause, elle n'est plus présente, il a le droit de se marier avec cette femme. Mithalun, la sœur de ta femme. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Les malades, les annas, tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs en même temps. هذا لا يجوز. الجمع بين الأختين لا يجوز. Donc, si la femme de cet homme, elle meurt, il a le droit de se marier avec sa sœur. Les malades, les annas, sa première femme, elle n'est plus là, elle est morte. Donc, cette période, quand sa femme, elle est vivante, il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. La polygamie, c'est permis dans l'islam. Lakin, avec la sœur de sa femme, la yadjouz. Tant qu'elle est vivante, la yadjouz. Si elle meurt, ou il la divorce, c'est plus sa femme, il a le droit de se marier avec sa sœur. Ça, c'est pour vous montrer. Il a ajal. Et dans certains cas, le tahrim, il a une durée. Les ma'ada, les anna, il y a une cause. On a donné l'exemple de se marier avec deux sœurs. Qala rahimahullah. أولا محرمات دائما. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen suivez bien, il a divisé cette mes'ala en deux catégories. Muharramat da'iman wa muharramat ila ajal. On a cité deux exemples. Première catégorie, muharramat da'iman. Ces femmes, l'homme, il n'a pas le droit de se marier avec une de ces femmes qui sont citées sous cette catégorie. Da'iman. Il n'y aura pas un moment où il a le droit. Là. قال وهن ثلاثة أصناف. Donc cette première catégorie, il y a trois sous-catégories. Al-Muharramat bin Nasab, c'est la première. Al-Muharramat bin Nasab, hey, cette femme, tu as un lien de Nasab avec elle. Mathalan ta mère, mathalan ta fille, mathalan ta tante. Tu as des liens. Imma c'est la sœur de ton père, imma c'est ta sœur à toi, imma c'est ta fille, imma c'est la fille de ta sœur ou de ton frère, ta nièce, wahagada. Imma c'est la sœur de ta mère, ta tante maternelle. Quand il y a had al-Nasab, cette femme elle est haram. Et anta tu es un mahram pour elle. Cette femme, elle fait partie de Al-Muharramat. Hada al-qism al-awwal, et inshallah, on va lire tous les cas. Lakin avant, on cite les trois. Qala wa hunna thalathatu asnaf. Le deuxième qu'on lira ensemble, inshallah, Al-Muharramat bil-radha'. Wa yajouz kadalik bil-radha' bil-kasr ou bil-fath. Ay, l'allaitement. Et on verra que ça ressemble à un nasab. Aïmin hait les liens, ta mère de lait, ta tante de lait, ta fille de lait, ta nièce de lait, wa hakada. Yahrumu min al-radha' ma yahrumu min al-nasab. Lakin avec certains quyoud, certaines conditions importantes. Le troisième sinf de madha. Ahsant al-muharramat da'iman. Donc le premier qism, la première sous-catégorie. Al-Nasab, Muharramat, à cause du Nasab. La deuxième, Al-Radha, l'allaitement. La troisième, قال الصنف الثالث, Al-Muharramat, بالصهر. Et par alliance. Certaines femmes, elles sont haram par rapport à une alliance. Elle ne fait pas partie de tes liens de famille directement. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta sœur. Kadhalik, ça n'a rien à voir avec l'allaitement, lakin avec الصهر. Mathalan, زوجات الآباء. Mathalan, une des femmes de ton père. Ton père, il a plusieurs femmes. Ta mère, et il a une autre femme, c'est pas ta mère. Cette femme, t'as pas le droit de te marier avec elle. Limanada, li anna, t'as une alliance ma'aha. Sihrun, c'est la femme, une des femmes de ton père. Hada, c'est yati ma'ana, inshallah, al-tafsil. On commence liant par al-sinf al-awwal, et si on peut, al-sinf al-thani. Qal al-sinf al-awwal, al-muharramat bin nasab. وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت في سورة النساء إلى معروف مشهور أن الله عز وجل إلى ستة المحرمات Une partie de ce verset, Cheikh Al-Uthaymin, il l'a cité Huna, et ça concerne Al-Muharramat bin Nasab. Sept femmes. La première, قال Al-Ummahat. Donc, ta mère. هذا, ولله الحمد, c'est معروف عند الجميع. يدخل فيهن الأم والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. Donc la mère, c'est clair, et kadhalik, tes grands-mères. Que ce soit ta grand-mère paternelle ou maternelle, elles sont considérées comme mères. Limadha li anna, c'est la mère de ta mère ou la mère de ton père. Et huna, on fait un tanbih, anna, il faut bien comprendre, dans ce genre de masail, anna ma min insan illa wa lahu aslun wa fara. Chaque homme ou chaque femme, elle a un asl et un fara. Al-Asl, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père. Wahakada, ça monte. Et kadalik, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère. Wahakada, ça monte. Ça, c'est ton Asl. Et l'ascendance. Kadalik al-Fur'a, la descendance. On va parler des filles. Il y en a, on a fait le Muharramat, Minanissa. Ta fille, ta petite-fille, ta petite-petite-fille. Wahakada. Ça, c'est important à comprendre. Il y en a, on va citer souvent Aslun wa Fur'a, ou l'ulama, il cite souvent. هذا الباب كذلك الانسان لدي حواشي الحاشيه c'est le côté ton frère ta sœur les tantes. Enfin, vous avez remarqué, l'asl c'est le père et la mère, et kadhalik ça monte les grands-parents, il a akhiri, et le fra c'est les enfants, les petits-enfants. Et le hawaji c'est sur les côtés, frère, tante, il a akhiri. Hada c'est muhim pour comprendre hadihi al-awwab. Donc le premier al-ummahat wa hada wadih 'inda al-jami' wa lillahi al-hamd. Deuxième cas, al-banat. ويدخل فيهن بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلنا. C'est ce qu'on a appelé الفرع. أي des filles et bien sûr les filles de ton fils ou les filles de ta fille. Et ça descend هكذا. Toutes ces filles, هذا الأب c'est un محرم pour toutes ces filles. Et là chaque année ces filles elles sont محرمات pour ce père. الثالث قال والأخوات ويدخل فيهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأب. Donc les sœurs. وهنا ينتبه que ça soit شقيقة et traduise par une sœur germaine. Hey, toi et cette femme, vous avez le même père et la même mère. Hey, c'est ta sœur. Ou une demi-sœur, c'est la même chose. Cette demi-sœur, ça peut être ta sœur لأنها vous avez le même père ou vous avez la même mère. Enfin, à la kulli hal, que ce soit une sœur germaine ou une demi-sœur, elle est haram pour cet homme. Et cet homme, c'est un mahram pour cette femme. Wa hada kadhalik, c'est wadih. Al-rabi' al-ammat. Al-ammat, ay les tantes paternelles, sœurs du père. Et on verra, il va citer une chose qui suit. قال والعمات والعمات يدخل فيهن عمات الرجل أي la sœur de ton père. قال وعمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته. Pour simplifier هذا, c'est très simple. Ta tante à toi, أي la sœur de ton père, elle est haram pour toi. Donc tu ne peux pas te marier avec elle et tu as le droit de lui serrer la main, de voyager avec elle. Tu es un mahram pour elle. La sœur de ton père. كذلك, la sœur de ton grand-père. Elle est la tante de ton père. C'est une tante pour toi. Même si ça monte. ثم, la sœur de ton arrière-grand-père. Elle est la tante de ton grand-père. Donc ta tante à toi, la tante de ton père, la tante de ton arrière-grand-père, la tante de ton arrière-arrière-grand-père, et on monte, toutes ces femmes, elles sont haram pour toi. Et là, chacun a, quand on parle de mariage, l'insan, l'homme, il ne pourra pas se marier avec son arrière-arrière. Alors, Obama, elle est morte depuis longtemps, ce n'est pas la même génération. Lakin, c'est pour vous expliquer, si tu as compris le système, ay min hayth anna si cette femme, elle a un lien avec toi, et c'est une tante directement pour toi, ou de ton père, ou un de tes ancêtres, elle rentre fi هذا الحكم. كذلك, on a dit la sœur du grand-père, on précise paternel, la sœur de l'arrière-grand-père, paternel et on monte, وهكذا la sœur du grand-père maternel. Et le père de ta mère, il a une sœur. فنفس الحكم. Et on monte كذلك. Et on montre kadhalik dans les grands-pères maternels, c'est la même chose. Enfin, le grand-père paternel, hey, le père du père, ou le père de la mère, ils ont une sœur, c'est ta tante, elle fait partie des muharramat. Hada, c'est ma faute. Cinquièmement, al-khalat. Wa yadkhul fihinna khalat ar-rajul. Hey, la sœur de ta mère. La ammat, on avait dit, la sœur du père. On a la sœur de ta mère. Hey, ta tante maternelle. وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات أمه وخالات جداته. C'est la même chose qu'on a cité précédemment. أي la sœur de ta mère, ta tante. كذلك la sœur de ta grand-mère, que ça soit paternelle ou maternelle. Ta grand-mère, le premier cas vous vous rappelez, c'était ton grand-père, il a une sœur. Elle, ta grand-mère, elle a une sœur. فالحقيقة, c'est la tante de ta mère. Fa'anta, c'est ta grand-tante. Wa hakada, la sœur de ton arrière-grand-mère. Fa'l-haqiqa, c'est la tante de ta grand-mère. Et c'est l'arrière-grand-tante de ta mère. Et un tas, ça va être l'arrière-arrière. Wahakada. C'est le même hukm. Wahakada. On a dit la sœur de grand-mère paternelle. Wahakada. La grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle, c'est la même chose. Fait haqiqa, si on résume les deux cas, que ça soit les grands-pères, paternels ou maternels, ils ont des sœurs. Ça te fait deux cas. Ah, où ça soit les grands-mères maternelles ou paternelles, ça t'en donne quatre. Léna, tu as un grand-père paternel, et tu as une grand-mère paternelle. Et tu as une grand-mère maternelle, et tu as une grand-mère paternelle. Leur sœur aux quatre, muharramat, minan nisa, elle rentre fi hada. Et kadhalik, quand tu montes, ça te donnera beaucoup de cas. Sixième cas, wa banatul akh. ويدخل فيهن بنات الأخ الشقيق بنات الأخ أي les filles de ton frère أي tes nièces. Que ça soit ton frère الشقيق comme on a vu précédemment pour les sœurs, le frère الشقيق أي vous avez le même père et la même mère. أنت tu es l'oncle de ses filles, c'est tes nièces. أو قال وبنات الأخ من الأب أو que ça soit ton demi-frère, vous avez le même père, c'est la même chose. وبنات الأخ من الأم أو ton demi-frère, vous avez la même mère. وبنات أبنائهم وبنات بناتهم وإن نزلنا نعم. Toutes ces filles محرمات. Que ça soit tes nièces, que ça soit ton frère germain ou ton demi-frère du côté de ton père ou de ta sœur, toutes ces filles c'est tes nièces pour toi. Et كذلك les filles de tes nièces. Ta nièce, si elle grandit, elle se marie et elle a une fille, nefsushi, elle a le même hukm que sa mère. C'est ta petite nièce. Ou hagada, cette petite nièce, si elle a une fille, elle descend. Septième cas et dernier cas, wabanatul ukht. C'est la même chose que pour le frère. Sauf que tu remplaces le frère par la sœur. Qal wa yadkhul fihinna banatul ukht ash-shaqiqa. Ta sœur germaine, si elle a une fille, kadalik, c'est ta nièce. وبنات الأخت من الأب وبنات الأخت من الأم وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلنا نعم أي les filles de tes neveux ou les filles de tes nièces, tu es leur oncle, leur grand oncle, et toutes ces filles c'est min al muharramat pour toi. Donc sept cas, la mère, la fille, la sœur, que ça soit germaine ou demi sœur, les tantes, que ça soit paternel ou maternel, les neveux et nièces, que ça soit du côté du frère ou de la sœur, sœur ou frère germain, ou demi-frère ou demi-sœur, tout ça, c'est des muharramat pour toi, minan nisa'. Wa hada wa lillahi alhamd, c'est wadih. As-sinf al-thani, al-muharramat bil-radha', wa hunna nadhir al-muharramat bil-nasab. C'est exactement la même chose qu'on vient de voir. Lakin, tu remplaces un nasab par un rada. Ta mère de lait, ta fille de lait, ta sœur de lait, tes tantes de lait, tes nièces de lait, que ça soit du côté du frère de lait ou de la sœur de lait, tout ça, c'est des femmes muharramat pour toi. Limada, il n'y a pas de lien. Directement, le lien, il est remplacé par un rada. فلهذا قال الشيخ العثيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها هذا الرضاع المحرم لا بد من شروط il faut obligatoirement certaines conditions. Avant cela, on récapitule حتى c'est clair, on recite toutes ces femmes qui ont un lien par rapport à l'allaitement avec cet homme, comme on a fait pour An-Nasab. La première, al-Umm min al-Radha'a, la mère de lait. Et c'est qui? Cette femme, hiya al-Mar'a allati arda'atka. Cette femme, elle t'a allaité. Hadihi, c'est la mère de lait de cet enfant qui a allaité. Donc, cette mère de lait, elle fait partie de l'Muharramat. Il a le droit de lui serrer la main, il a le droit de voyager avec elle seule, c'est un mahram pour elle, et la cheikh, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Wa in alat, kadhalik, ça va. La mère de cette femme, ça sera sa grand-mère de lait. Et l'arrière-grand-mère, ça sera son arrière-grand-mère de lait, ou hakada. C'est la même chose que le nasab. Deuxième, al-bintu min al-radha'a. C'est qui al-bintu min al-radha'a? Qal wa hiya allati radha'at min zawjatik. فتكون أنت أباها من الرضاعة. أي c'est une femme, une fille plutôt, qui a tété عند زوجتك. أي ta femme lui a donné le sein. Et elle a allaité. Cette fille, أنت tu es son père de lait. C'est exactement comme النسب, la fille de la femme, le père c'est son père. On a dû remplacer النسب par الرضاعة. Donc أنت tu es son père de lait. Donc cette fille qui a tété عند زوجتك, tu n'as pas le droit de te marier avec elle plus tard si elle grandit. الثالث الأخت من الرضاعة, la sœur de lait. C'est qui la sœur de lait? هي التي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها. Et c'est une fille, ta mère elle l'a allaitée. Donc أنت, vu que c'est ta mère de sang, من النسب, et cette fille c'est sa mère de lait, أنت et cette fille vous devenez des frères et sœurs de lait. Donc tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Ça c'est le premier cas. قال وهي التي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها أو أنت tu as allaité, ou plutôt sa mère elle t'a allaité. La mère de cette fille elle t'a allaité quand tu étais petit. Amma la fille c'est sa mère min al-nasab. Anta c'est ta mère de lait. Donc vous êtes des frères et sœurs min al-rada'a. Et vous avez la même mère qui vous a allaité. قال أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة أو أنت et cette fille, une femme, elle vous a allaité. C'est ni sa mère ni la tienne. Maintenant, une femme, elle a allaité Mohammed et كذلك elle a allaité Khadija. Cette femme, c'est la mère de lait des deux. Et les deux, c'est des frères et sœurs. لماذا لأنهم ils ont tété عند نفس المرأة. Donc trois cas. Tous ces trois cas, ça rentre dans al-ukht min al-rada'a. Donc cette femme, tu n'as pas le droit de te marier avec. Quatrième cas, bintul akh min al-rada'a. Ay, ta nièce min al-rada'a. Deuxième, ou on est dans la quatrième, bintul akh min al-rada'a. Ay, la fille de ton frère de lait. Mathalan, tu as un frère de lait. On répète, c'est quoi le frère de lait? Toi et un frère, vous avez allaité chez la même femme. Ou la même femme, elle vous a allaité. Ce frère de lait, fait le haqiqa, s'il n'a pas de fille, c'est ton frère de lait, lakin min hayt al-ahkam, ça ne change pas grand-chose. S'il a une fille, cette fille, c'est ta nièce. Limada, remplace frère de lait par frère de sang. Si ton frère de sang, il a une fille, cette fille, c'est quoi pour toi? C'est ta nièce. Al-Rada'a, c'est la même chose. فَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Tu n'as plus qu'à faire le changement. Vu que c'est ton frère de lait, s'il a une fille, c'est ta nièce de lait, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et tu es un mahram pour elle, tu as le droit de lui serrer la main et l'akhiri, même si elle grandit. Et on verra un tambih par rapport à هذا à la fin du dars, inshallah. Bintul akh min al-Rada'a. Bintul ukht min al-Rada'a. C'est la même chose. La fille de ta sœur de lait. Une femme qui a allaité une femme et toi, c'est ta sœur de lait. La fille de cette femme, كذلك, c'est ta nièce de lait. Enfin, la mère, c'est ta sœur, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Et sa fille, c'est ta nièce de lait. Tu n'as pas le droit de te marier avec sa fille, كذلك. On est à la cinquième. La sixième, Al-ammatu min al-rada'a, wa hiya allati rada'at min abik, ou ma'a abik plutôt. Wa hiya allati rada'at ma'a abik. Ton père et une femme, ils ont été allaités par la même mère de lait, par la même femme. Donc, c'est la sœur de lait de ton père. Pour toi, c'est ta tante de lait. Remplace sœur de lait par sœur de sang. La sœur de ton père, c'est ta tante paternelle. Et taqaddam ma'ana, tu n'as pas le droit de te marier avec ta tante. C'est la même chose, sauf qu'on remplace al-nasab par al-rada'a. Al-khala min al-rada'a, c'est la même chose. Hiya allati rada'at ma'a ummik. Et ta mère et une femme, ils ont été allaités par la même femme, donc c'est la sœur de lait de ta mère, donc c'est ta tante maternelle de lait, et fi hada al-hal, bien sûr, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, il a akhiré, c'est ta tante de lait. Vous avez vu, 7 cas, fi nasab wa fi rada, c'est exactement la même chose, sauf que la cause, elle change. Fi nasab, la cause du tahrim, c'est un nasab, et un lien de sang, un lien de parenté. Wavi al-rada, la cause, c'est al-wada'. Il y a un lien par rapport à l'allaitement. Imma directement de toi, imma un de tes proches, et ça donne exactement les mêmes cas que fi al-nasab. Bihada wa lillahi alhamd, on a fini les deux premières catégories, al-sinf al-awwal, al-muharramat bil-nasab, et al-qismu al-thani, al-muharramat bil-rada'. Naqra al-an les précisions de Cheikh al-Uthaymeen. Qal walakin al-rada' al-muharram labud lahu min shurut minha. Ça nous montre qu'on a les sept cas qu'on vient de citer pour le rava, il faut des conditions. Ce n'est pas chaque fois que une femme allait allaiter, une fois, tous ces ahkams rentrent en compte. Là, il faut des conditions importantes. قال الشرط الأول أن يكون خمس رضعات فأكثر. فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. Il faut au moins cinq رضعات. Et c'est le قول الصحيح. والمسألة فيها خلاف كبير لكن القول الصحيح ما رجحه الشيخ ابن عثيمين 5 رضعات أما en dessous 4 أو 3 أو 2 أو 1 فلا à partir de 5 وأكثر في هذا الحال نعم tous les احكام qu'on a cité rentrent en compte أي cette fille ça devient ta sœur de lait أو si c'est avec ton père ta tante de lait وهكذا هذا ما يتعلق بالعدد donc c'est 5 et علموا أن المسألة فيها خلاف كبير لكن القول الصحيح سهذا إذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية قول الإمام ابن القيم رحمه الله قول شيخ ابن عثيمين قول شيخ ابن باز قول الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا أي 5 رضعات 5 fois au minimum بقي ضابط أي quand est-ce qu'on considère une fois on a dit c'est 5 fois minimum لكن quand est-ce qu'on peut compter une fois que cet enfant cette femme elle a allaité une fois et est-ce que c'est quand il prend le sein et il le relâche ou c'est quand il le prend plusieurs fois wa yashba' il a plus faim les ulama ils ont cité un dhabit qala al imam ibn al qayyim rahimahullah fi zad al ma'ad al radha'atu fa'alatun min al radha' ou al radha'atu fa'alatun min al radha' fa hiya marratun minhu bila shak qala famata iltaqama al tadhi famtassa minhu ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضع فاما لكم سيبخيسي quand cet enfant il prend le sein et il y a rien qui le pousse à lâcher تعلمون ان l'enfant احيانا يتتتت et si on fait du bruit ou واحد vient et لاشك انه il le repousse لاشك ان cet enfant il va lâcher في هذا الحال c'est pas compté une لكن si il y a rien qui pousse cet enfant à lâcher il tète, ça peut être 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, akthar, aqal. Thumma il délaisse volontairement, dès qu'il délaisse, on compte une. Thumma s'il reprend la même chose et il délaisse deux. Thumma peut-être qu'il aura plus faim. Peut-être quelques heures après, cette femme, elle va encore l'allaiter. Il recommence. Une, deux, trois. Si on compte les trois plus les deux premières, ça fait cinq. Khalas, cette femme, c'est sa mère de lait. قال الإمام ابن القيم ورحمه رحمه الله فمتى التقم التذي فامتص منه ثم تركه باختياره أي l'enfant il laisse le sein il délaisse le sein volontairement sans que une chose le pousse à le laisser قال من غير عارض سأقوله من غير عارض كان ذلك رضع لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف والعرف هذا ça c'est une règle في دين الله عز وجل Quand tu dois faire une chose, et cette chose, le Coran ou la Sunna, n'a pas été limitée. Mitle huna, 5 rada'at, 5 fois. On n'a pas un délit dans le Coran ou la Sunna qui nous montre la durée, ou qui nous limite cette chose. On revient au urf. Et on revient à ce que les gens y connaissent. Et c'est connu, indannas, quand l'enfant il prend le sein, et au bout d'un certain temps il le délaisse, c'est connu, annahu. C'est une fois. Enfin, s'il le fait cinq fois, ça rentre dans notre mas'ala. Donc c'est ça, ضابط الرضعة. هذا من كلام نعم ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. قال الشرط الأول on le répète أن يكون خمس رضعات فأكثر. فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. Si on قدر على الضابط que l'imam ابن القيم il a cité, أن cet enfant il fait quatre fois. Il tète et il relâche. Thumma une deuxième fois, thumma une troisième fois, thumma une quatrième fois. Et il tète plus jamais chez cette femme. il n'est pas considéré comme enfant de lait de cette femme. Et cette femme, ce n'est pas sa mère de lait. Ça vous montre, Anna, ce n'est pas chaque enfant qui tète chez une femme, auprès d'une femme. Anna, cette femme, c'est forcément... Anna, cette femme, c'est forcément sa mère de lait. Là, le bout de cette condition, khamsa radha'at, est le minimum. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم نعم donc ça c'est un nas au départ c'était 10 ثم هذا الحكم نسخ il a été abrogé par 5 رضعات deuxième condition أن يكون الرضاع قبل الفطام Al-Fitam, c'est le sevrage. Fatamat waladaha, elle l'a sevré. Et le sevrage, ma'rouf, c'est le fait d'enlever l'allaitement à l'enfant. Qala, ay yashtarit an takuna rada'at al-khams, kulluha qabla al-fitam. In kanat ba'd al-fitam, ou ba'daha qabla al-fitam, wa ba'daha ba'dah, lam takun al-mar'a umman lah. Hadi le mas'ala kadarik, on la détaillera pas, wa fiha khilaf. Et à Sahih, c'est tant que l'enfant il est allaité par cette femme 5 fois et fil hawlain, les deux premières années, dans ces deux premières années, les conditions elles sont remplies. Amma le sevrage, ala al-qawl al-sahih, c'est pas une condition. Que ça soit avant le sevrage ou après, si c'est dans les deux ans et il tête 5 fois عندها هذه المرأة ça suffit. Et la mas'ala khilafiyya et on n'a pas le temps de détailler les détails ça sera fi kutub al-fiqh. قال واذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة واولادها إخوة له. Tout ça on l'a détaillé فنقرا. سواء كانوا قبله ام بعد. Cette précision elle est importante. مثلا cette femme elle a allaité Foulan, Muhammad. Cette femme, elle avait une fille qui s'appelait Khadija. Elle a allaité Muhammad plus de 5 fois, bien sûr, les deux premières années, dans les deux premières années. Donc, Muhammad, c'est le fils de lait de cette femme. Et Khadija, c'est sa sœur de lait. Si cette femme, elle a un enfant plus tard, elle est la mère de lait. Mathalan, au bout de 5-6 années, elle a une autre fille qu'elle a appelée Maryam. Maryam, c'est la sœur de lait de Muhammad. Kadhalik. Donc, que cette fille, elle soit avant lui ou après lui, c'est sa sœur de lait. En d'autres termes, toutes les filles de cette femme de lait, ça sera, ou ces filles, elles seront les sœurs de lait de Muhammad. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال سواء كانوا قبله أم بعده. Toutes les filles de cette femme, c'est les sœurs de lait de Muhammad qui a allaité, qui a tété plutôt de cette femme. قال وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضا. صاحب اللبن, c'est le mari de la femme qui a allaité. C'est ça, صاحب اللبن. لماذا il l'appelle صاحب اللبن? لأن cette femme, elle a eu du lait quand elle a eu un enfant avec cet homme. C'est pour ça que le lait, كذلك, il est concerné par ce lait. C'est pour ça qu'il l'appelle sahibul laban. Donc, on revient à notre exemple. Cette femme, elle est mariée avec un homme qui s'appelle Omar. Tamam. Mohammed, il a tété de cette femme. Son mari, c'est Omar. Donc, les enfants de cette femme, on a cité Khadija, Maryam, il a arrêté toutes les filles de cette femme, c'est les sœurs de lait de Mohammed. On revient à l'homme, le mari de cette femme. Si l'homme, il se marie avec une autre femme, et elle a une fille, qu'on va appeler Aïcha. Aïcha, كذلك, c'est la sœur de lait de Mohammed. لماذا لأن cet homme, c'est صاحب اللبن. Et l'homme, s'il a une fille, sa fille, كذلك, elle est touchée par هذا الحكم. لماذا لأن son père, c'est صاحب اللبن. On va lire كلام شيخ بن باز رحمه الله pour vous simplifier. On finit كلام شيخ بن عثيمين سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. Que ce soit la femme de cet homme qui a allaité Muhammad, فلا شك أن cette femme, c'est sa mère de lait, ses fils et ses soeurs de lait. Ou si cet homme, il se remarie. Limada, l'exemple qu'on a cité, les annahu, c'est sahib al-laban. Ou l'ulama, il cite une mas'ala huna. Et elle est importante pour comprendre. Hal al-laban, les zawj, ou les zawja, ou lahuma jami'an. Est-ce que le lait, c'est le lait de la mère, ou kadhalik le lait, ou plutôt on va employer le mot femme, est-ce que c'est le lait de la femme, ou kadhalik c'est le lait de l'homme? En d'autres termes, est-ce que l'homme kadhalik va être considéré dans cette mas'ala, enfin ses enfants, ils seront fils, ou ses enfants, ils seront frères et sœurs de lait de l'enfant qui a allaité de sa femme? قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى il a répondu لهما جميعا et les deux ils sont concernés. La femme, c'est clair, Léana, c'est elle qui va allaiter l'enfant. كذلك son mari, ça veut dire que son mari, s'il se remarie avec une autre femme et il a une fille, enfin, c'est la sœur de lait de Muhammad qui a allaité de sa première femme. Et même s'il n'a pas allaité de sa première femme, c'est là, je sais que s'il a allaité de sa première femme, c'est son frère de lait. S'il se marie avec une autre, kadali. قال لهما جميعا الفحل والزوجة ولهذا إخوان الزوج أعمامه. فتأملوا هذا. On a donné l'exemple de la fille, nous. Lakin, ça va plus loin. Les frères de cet homme, c'est les oncles. Si on garde notre exemple de cet enfant qui s'appelle Mohammed, qui a tété cette femme, elle a un mari. Ce mari, on l'a appelé Omar, il a des frères. Ses frères, c'est les oncles de lait de cet enfant. Le père de Omar, et le mari de la femme, c'est le grand-père du fils de lait de Muhammad. يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَعْ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ هَكَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا من أبيه كذلك si cet homme, et c'est l'exemple qu'on a cité, il se remarie et il a des enfants, enfin si c'est des garçons, ces garçons, ils seront frères de lait avec Mohammed. Si c'est des filles, et c'est là que c'est important, ben, cette fille, ça sera la sœur de lait de Mohammed. Donc si c'est sa sœur de lait, et c'est là que c'est important pour notre tâche, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et c'est un mahram pour elle, et c'est son frère, de lait. قال فهو يتعلق بالفحل والمرأة فأولاد المرضع كلهم إخوة للرضيع ومن هذا الزوج ومن غيره من زوج سابق أو لاحق وهكذا هذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع وأولاده من غيرها كذلك قبلها أو بعدها إخوة له. Même s'il avait des enfants avant cette femme, maintenant il se marie. Maintenant on a cité l'exemple, s'il se remarie une deuxième fois, il a une fille. Si on qadar annahu, il avait déjà une femme avant cette femme, la première qui a donné le sein à Muhammad. Maintenant il avait déjà une femme, et cette femme elle avait des filles. Ses filles, ça devient automatiquement ses sœurs de lait. Limada li annahu rada'a min hadhihi al-mar'a, et cet homme c'était sahib al-laban. Hadhihi al-mas'ala, peut-être que pour certains, elle semble compliquée, lakin retenez tout ce qu'on a cité auparavant, et il a ashkalat hadi sourah la dernière ala ba'd al-ikhwa, fa inshallah avec le temps ça viendra. On finit kalam Cheikh Ibn Uthaymeen pour conclure hada ad-dars. Qal wa huna yajib an na'rif. Donc intaha kalam Cheikh Ibn Baz, on a dit min majmou' al-fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. قال وهنا يجب أن نعرف بأن قارب الطفل المرتضع سواء ذريته أو سوى قال سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع. Ça c'est une مسألة importante. لأن tous ces أحكام qu'on a cités sont liés, ou celui qui est concerné c'est l'enfant. Maintenant, notre exemple, Mohammed, qui a tété عند امرأة, cette femme, elle l'a allaité. Tamam. Donc, le mari de cette femme, c'est son père de lait, ses enfants, c'est ses frères de lait, la sœur de cette femme, ça sera sa tante de lait, tout ce qu'on a expliqué. Lakin, autre que Mohammed, maintenant, est-ce que son frère, il est concerné là? Mohammed, qui a, cette femme, elle l'a allaité, il a un frère, qui s'appelle Abdelaziz. Est-ce que Abdelaziz, il a le droit de se marier avec la mère de lait de son frère? Non. On qadre que sa mère de lait, son mari, il meurt. Abdul Aziz, le frère de Mohamed, il veut se marier avec la mère de lait de son frère, Yajouz ou là. Limada li anna, il est concerné en rien dans l'allaitement. Mais vous, hada, c'est important. Ou son père, ou al-muhim, cette femme, elle a un lien avec son fils de lait, faqat. Amma, la famille de Mohamed, ses frères, ils n'ont rien à voir. C'est pour ça que son frère, son père, son oncle, ce n'est pas des maharim pour cette femme ou pour ses filles. Hada, c'est un tambih muhim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة والصاحب اللبن كما كان أبوهم المرتضع كذلك أما ses enfants محمد il va grandir et il va se marier et il va avoir des enfants ses enfants ils sont concernés s'il a un fils enfin la mère de lait de son père c'est sa grand-mère de lait Enfin, les enfants de Mohammed Naam, Amma son frère, ou son père, ou son oncle, il a akhiré, enfin, ils ne sont pas concernés par hada. Tambihun pour finir. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Vous avez compris de ce bab, ma yata'alaq bil radha', anna cette femme, l'ulama, ils l'ont cité, bel dans les adillah. Cette femme, elle est citée comme muharrama. Elle fait partie de muharramat, min al-nisa. Donc, si on prend l'exemple d'un enfant et d'une femme, d'une fille plus tard qui deviendra une femme, et une même femme, elle les a allaités et ils ont la même mère de lait, donc c'est des frères et sœurs de lait, quand ils grandissent, ils n'ont pas le droit de se marier. Et cet homme, c'est un mahram pour cette femme. Et il a le droit de lui serrer la main comme sa sœur. Là, il y a un tambih important, ce n'est pas comme sa sœur de sang. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب أي il a le droit de la voir même si elle porte pas le hijab sa sœur de lait il a le droit de voyager avec elle il a le droit d'être seul avec elle dans une pièce c'est comme ça sœur de sang لأن الدليل يمنتخ هذا قال وعلى هذا فيجوز أن يصافح أخته من الرضاعة il a le droit de lui serrer la main إلى آخر هذا لا شك c'est comme sa sœur بل سي ساسور دو لي لكن تنبيه قال ولا شك ان شعور الانسان بالمحرميه في اخواته من النسب ابلغ من شعوره بهن في اخواته من الرضاعه لكن لم لا شك ان ساسور دو سون il ressent plus que c'est un mahram pour elle que sa sœur de lait قال الشيخ ابن عثيمين لا سيما إذا كان الأخوات من الرضاعة يقللنا المجيء إليهم. شيخ ابن عثيمين في البريزيون أن سيت سور دو لي سي إل رونكونتر با سوفون سون فخير دو لي ففي هذا الحال il faut faire attention لأنها va être أجنبية فpeut-être qu'il va être attiré par elle ou elle va être attirée par lui et ça ouvre un باب de fitna. فقال الشيخ ابن عثيمين فإنهن قد يكن عنده بمنزلة الأجنبيات. Contrairement à une sœur de lait qui est souvent en sa compagnie, ils habitent مثلاً pas loin, ils se visitent souvent depuis qu'ils sont petits. Avec le haqiqa, ça va être comme sa sœur. Amma, il l'a jamais rencontrée ou il ne la rencontre pas souvent. Enfin, il faut faire attention à Shaitan. لأن الشيطان يجري مجرى الدم قال فلهذا ينبغي الاحتياط في مصافحتهن شيخ ابن عثيمين الذي في هذا الحال si on a peur d'une fitna il faut faire attention que cet homme s'il a peur d'une fitna il reste seul avec elle ou il le serre la main ou il la contacte ou il la voit sans hijab ففي هذا الحال السلامة c'est مطلوب فهذا وإلا c'est sa sœur de lait كذلك on fait attention et العلماء cite ce cas cette femme, c'est la sœur de lait d'un homme. Et cet homme, il est connu bil ijram ou le fisq. Il est connu des mauvaises choses, il a un mauvais comportement. Et Obama, il ne va pas savoir se retenir dans certaines situations. Il a akhiré. Enfin, cette sœur de lait, cette femme, on ne la laisse pas toute seule avec cet homme. L'imada, l'annahu, c'est un fasir. Même si fait le hukm, c'est sa sœur de lait. Lakin, fermer les portes, c'est matloub. Fahada, ma yata'allak, on a fait les deux premières catégories al-muharramat bin-nasab ou al-muharramat bin-radha' et le prochain dars bi-idhnillahi azza wa jal on finira les deux dernières catégories révisez hada et si vous n'avez pas compris une situation on en parlera inshallah à la fin des دروس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.